Il était une fois un petit. Forcément petit, mais pas le plus petit des petits. Enfin, vous l'aurez compris, il était parent. Je ne dévoile pas mes sources sur ce qu'est ce petit. Peut-être une chose ou un objet. Tout commence par la liberté d'expression, où je fais attention à mes propositions de chansons. Soyons à l'écoute des entourloupes qui traînent dans le hip-hop. Je fais pas de la théorie, car je suis passé à la pratique. Tout ce bric-à-bras, ce n'est pas magique ni toxique. Je fais de la démesure quand les autres frappent sur un mur. J'entrevois de passer par les grandes portes, car maintenant je suis grand. Et en attendant, je vous comprends. Tu te demandes d'où vient ce silence quand on m'écoute. T'as jamais connu ça, cela s'explique comme ça. Tu te demandes d'où vient ce son de malade. T'as jamais connu ça, cela s'explique par là. J'ai la grandeur qu'il faut avec mon ampleur. Le respect se perd et meurt à petit feu. Mais en 2011, on retiendra que la bombe de Mafia Lafleur a réagi, convaincu de pas donner son cul au premier PD qui passe. Je laisse une trace dans le web à qui voudra l'entendre et comprendre que je bouge à présent. Vous ne reverrez pas d'ici tôt. Tu te demandes d'où vient ce silence quand on m'écoute. T'as jamais connu ça, cela s'explique comme ça. Tu te demandes d'où vient ce son de malade. T'as jamais connu ça, cela s'explique par là. Je fais pas de clip état-major, mais j'imagine que j'ignore ce que sera le lendemain. Alors j'en profite pour prendre le train à cette époque où l'euro nous divise, mais nos personnalités nous rassemblent. Il n'y a pas de coïncidence, mais une destinée qu'on crée. Après je passerai à autre chose pour boucler la boucle comme un grand 8. Tu te demandes d'où vient ce silence quand on m'écoute. T'as jamais connu ça, cela s'explique comme ça. Tu te demandes d'où vient ce son de malade, t'as jamais connu ça, cela s'explique par là. Pour finir, la mixité ça arrange. Être polyvalent fait vendre. J'espère vous avoir diverti car j'introduis un son et une pensée qui va grandissant. Cher lecteur, je vous salue. The Mafia Lafleur, l'album 2011. Yeah, écoute ça. Tu te demandes d'où vient ce silence quand on m'écoute. T'as jamais connu ça, cela s'explique comme ça. Tu te demandes d'où vient ce son de malade, t'as jamais connu ça, cela s'explique par là.